Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Homme-animal, une frontière fragile. Une série de Michel Alberganti, réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a une cohabitation perdue. Ce vieux chat grognon qu'on ne regardera plus du même œil, ou ce cochon d'Inde craintif dont on voudrait désormais lire les pensées. Et puis aussi, tous ces animaux, du cafard à la girafe, en passant par les pigeons boiteux, avec qui on partage notre territoire sans même plus en avoir conscience. Et puis il y a toutes ces images prises dans les abattoirs que l'on préférerait ne pas avoir vues, et cette certitude que la disparition des abeilles ou des oiseaux ne peut être qu'un très mauvais signe. Et enfin, il y a cette question de savoir si on peut encore continuer à utiliser des cobayes comme cobayes. Alors pour commencer, les personnages. Des animaux troubadours, l'ancêtre du cheval, des chercheurs du muséum, la reine Nénette, la reine des vétérinaires, des animaux comme des individus, des soigneurs, un chercheur en vision, un biologiste qui étudie les primates, des singes devenus des outils, un historien du point de vue animal, une philosophe, des défenseurs de la cause animale. Ensuite, le décor. Une ménagerie du 19e, des portes fermées, des cages, des enclos, des blagues, l'action et la réflexion, un dentifrice pour les rats, du secret, le spectre des expérimentations nazies, des cages d'un mètre cube, une libération et des expériences. Aujourd'hui, deuxième épisode, on arrive aux eaux. On va passer devant la fauverie. Et puis ensuite, on va aller. Ce sont les bâtiments de la ménagerie les plus neufs, si je puis dire, 1930. Alors que la ménagerie est entièrement 19e. Hein. C'est un des plus anciens zoos du monde conservé en état. Je suis Barbara des Plantes, monologue Barbara des Rocor et Tissot. 1794. Voilà, absolument. C'est pour la Révolution française qui a été fait par la Révolution française pour que le peuple puisse accéder aux animaux, enfin, qui étaient autrefois, entre autres, à la ménagerie royale de Versailles. C'était tous les animaux troubadours. Il y avait les animaux royaux, qui étaient un peu de petit nombre, et les animaux des troubadours. Ensuite, à cette époque, on avait beaucoup d'animaux, des singes, des fauves même, ouais, qui étaient dans les rues de Paris. Donc tout cela était regroupé dans la ménagerie provisoire et qui s'est agrandie petit à petit. Et donc là, nous avons les deux monuments 1930, Singerie-Fauvry, qui ont été faits peu de temps après l'avènement du zoo de Vincennes. Est-ce que le terme ménagerie vient de cette origine? Oui, c'était ménager les animaux. Alors c'est vrai que parfois ça peut nous être un peu reproché, entre parenthèses, par le public, parce que ménagerie, ça fait cirque. Un peu, ce qui, oui, n'est pas du tout le cas du muséum. Mais bon, c'était le vieux terme d'autrefois, les ménageries. Donc il y a ici, pour faire le point un petit peu, plus de 1000 animaux. À peu près, oui. Environ. Et près de 200 espèces. Voilà, en gros. Alors là, vous en avez un d'ailleurs, en passant, assez spécifique, qui est le cheval de Przewalski. Ça, c'est une grande spécificité de la ménagerie. Ce sont des animaux qui ont été sauvés par les parcs zoologiques, qui ont été ensuite réintroduits grâce aux parcs zoologiques. Donc, on en est fiers. Le public s'y intéresse pas, mais c'est quand même un des ancêtres des chevaux, donc c'est important. Qui existe encore à l'état sauvage. Là, on va rentrer, là, on va aller voir Nénette. C'est pas très beau, elle doit être à l'intérieur. Nénette le rend autant. Faut-il interdire l'expérimentation animale? Au Jardin des Plantes, des chercheurs travaillent sur le comportement animal. Qu'il s'agisse de nouveaux médicaments devant être mis sur le marché ou de nouvelles opérations chirurgicales, les progrès de la médecine reposent encore largement sur l'expérimentation animale. Mais doit-on continuer à faire payer par les animaux le prix de l'amélioration de notre santé? Peut-on justifier l'allongement de notre durée de vie par la réduction de la leur? Dans leur laboratoire, les chercheurs font état d'un malaise solitaire. Tant que leurs portes restent fermées, le public n'est pas en mesure de se forger une opinion. Or, c'est bien d'un débat de société qu'il s'agit. Je vais aux zoos. En attendant, les citoyens doivent se contenter des zoos comme celui du Jardin des Plantes qui nous a ouvert ses portes. Le soin apporté au bien-être animal ne cesse de s'y renforcer malgré les cages et les enclos qui privent leurs hôtes de la liberté à laquelle certains pensent qu'ils ont le même droit que nous. Nous voici donc là, vous voyez, c'est le grand bâtiment de 1930, majestueux, commencé à cette époque en briques. Donc, vous allez voir, Nénette, attention, c'est la reine des lieux. Pardon. Voilà, vous voyez tout de suite le volume et l'espace qu'il y avait à cette époque, qui permet pour nous, c'est une bonne chose, d'avoir des cages en hauteur, ce qui est nécessaire aux singes. Marie-Claude Bomsel, vétérinaire, ancienne directrice de la ménagerie du Jardin des Plantes. C'était finalement pas si mal construit ce bâtiment. Il est un peu désuet maintenant, mais il était de bonne construction. Tous les directeurs de la ménagerie souhaitent améliorer ce bâtiment, faire beaucoup plus d'espace à l'extérieur et tout, mais bon, ça se fait progressivement. Alors bien sûr, pour vous, ça semble désuet. Pour nous, c'est déjà un plus, nous qui l'avons connu vraiment avec des petites cages et énormément de singes, beaucoup plus. Nénette, je ne suis pas sûre qu'elle va me reconnaître parce que, vous savez, en vieillissant, c'est un peu comme moi, elle est devenue encore plus cabotine et elle ne descend pas systématiquement me voir. Je suis un peu vexée, mais bon, il faut admettre la reine des lieux. Alors, tu viens, ma belle? Non, elle ne se dérangera pas, vous voyez. Je vais essayer de passer. Je suis celle qui l'a eu tout bébé, donc par an 73, et je l'ai eu dans les bras. Donc, on a une vieille relation. Bon, alors, elle approche de 50 ans, ce qui est un âge canonique pour un orang-outan. Ça fait l'équivalent quand même. Vous savez, les gens aiment bien qu'on ait l'équivalent. Je dirais 95, voire bon, à peu près. Hein. Elle est habituée là, bon, elle a connu plusieurs maris, elle a eu plusieurs enfants, c'est une longue vie, je ne vais pas vous faire toute la vie de Nénette. Mais bon, de ce fait, elle peut vivre encore un bon moment et on l'espère parce qu'on y est tous attachés. Bon, alors elle a connu toutes sortes de générations de soigneurs, toutes sortes de générations de vétérinaires. Au plus maintenant, ils font beaucoup de training, ils s'en occupent beaucoup. Donc elle est vraiment choyée. Bon, c'est la reine des lieux, tout au moins à mes yeux. Hein. Mais je ne suis pas totalement impartiale, soyons honnêtes. En parc zoologique, nous ne faisons pas beaucoup de... On fait de l'étude de comportement animal, on n'intervient pas. Parce qu'après, ils doivent possiblement retourner dans la nature, donc il n'est pas question d'intervenir. Mais on le voit, nous par exemple, nous avons plusieurs orang-outans, puisqu'on arrive qu'ils sont parmi les plus hauts sommets. Dans notre système de l'intelligence à nous, ça ne veut pas dire que d'autres animaux sont plus bêtes. Moi, il n'y a rien qui me crispe plus que de dire que les animaux sont intelligents par rapport à l'intelligence de l'homme. Mais pour revenir à eux qui ont les mêmes sens, parce que l'animal vit dans un univers sensoriel tout à fait différent du nôtre, mais là en l'occurrence, même vue, même odorat à peu près, même goût, on a vu des individus à part entière, car c'est ça qu'on oublie, chaque animal est un individu, et des animaux plus ou moins doués. On a eu à un moment une femelle qui nous faisait des nœuds. Nénette, tout particulièrement aussi, est une spécialiste du bricolage, elle observe, elle dessine, elle reconnaît les gens, bien entendu, elle précède énormément, bon, elle s'amuse sur les soigneurs, elle fait beaucoup de farces, elle a une forme d'intelligence indiscutable. Alors, réfléchit-elle sur le reste du monde? C'est autre chose. Maintenant, moi, j'ai toujours aussi considéré que l'homme réfléchissait trop et qu'il se perdait dans des circonvolutions excessives et que le cerveau était fait pour l'action et non pas pour la réflexion. Et je trouve les animaux plus intelligents en ce sens que nous. Vous savez, nous, on est obsédés, surtout à notre époque, puisque c'est ça qui est paradoxal, de la productivité, de l'action. Or, ce sont les animaux qui sont productifs et actifs. Ils ne perdent pas de temps, ils vont à l'essentiel. Alors, effectivement, dans les parcs zoologiques, compte tenu qu'on leur offre confort et tout, peut-être ont-ils une forme de réflexion, ce qui a permis à Nénette, pour revenir à son intelligence, de fabriquer des outils et des choses comme ça. Donc on voit une intelligence, mais qu'est-ce que l'intelligence, quoi ? Mais c'est vrai que c'est fondamental. Alors Marie-Claude Bomsel, l'une des missions de ce muséum et de la ménagerie est de participer à l'expérimentation animale. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Quelle est votre position par rapport à cette utilisation des animaux ? Bon, on ne fait pas beaucoup d'expérimentation animale, tout au moins de mon temps, sur les animaux. La forme d'expérimentation qu'on a fait pendant très longtemps était d'amener ces animaux dans un milieu artificiel, en les extrayant de la nature. J'ai connu, c'est fini ça, dans les parcs zoologiques. Et ensuite, effectivement, on les observait, on opérait, on avait beaucoup de choses. C'est ça pour nous, hein, les vétérinaires. Moi, je vous parle en tant que vétérinaire. Ça a été quelque part, on pourrait parler ça, une forme d'expérimentation, car on ne connaissait rien. Avantage, ça a servi aux animaux tant en zoo que dans la nature. Quand vous me parlez d'expérimentation physiologique et tout, personnellement, mais ça c'est un avis personnel, je ne suis pas pour. Mais parce que je considère qu'il y a tellement de différences physiologiques, en tant que vétérinaire je le vois, entre l'animal, quel qu'il soit, et l'homme, que c'est extrêmement difficile d'extrapoler d'une espèce à l'autre. Mais ça c'est une opinion qui m'est personnelle, ça faut demander dans des laboratoires, je crois que très peu en font, de l'expérimentation. Elle est quand même réglementée et tout. Vous voulez dire que le modèle animal, finalement, n'est pas très efficace. Voilà, à mes yeux, non. Donc l'expérimentation, souvent, à mon avis, personnelle, hein, c'est très personnel, on se fourvoie en le faisant parce qu'on extrapole d'une espèce à l'autre, d'un individu à l'autre, puis d'une espèce à l'autre. Ça me semble assez délicat à interpréter. Les muscles, c'est quoi? Ça ressemble étrangement à l'homme. Oui, hein. Un dentiste de Cincinnati se livre à des expériences intéressantes sur des rats afin de mettre au point un dentifrice qui protège ses rongeurs de la carie dentaire. Les premiers résultats sont, paraît-il, très efficaces. Malheureusement, toutes les expériences sur les rats ne sont pas aussi légères. Des millions de souris, mais aussi des chiens ou des singes, sont sacrifiés chaque année sur l'autel de la santé humaine. Ces pratiques sont régulièrement dénoncées par les associations de protection animale. Désormais, elles sont réalisées dans le plus grand secret. Plus question d'introduire une caméra, ni même un micro, dans les laboratoires où les cobayes sont hébergés dans des cages et subissent toutes sortes d'expériences, soit pour mieux comprendre leur comportement, soit pour tester de nouvelles thérapies. Héritée de l'après-guerre, la réglementation impose le recours aux animaux avant les essais sur l'homme. Dans ce contexte, les méthodes alternatives peinent à s'imposer, malgré une législation européenne dont l'objectif affiché à terme est d'aboutir à une abolition de l'expérimentation animale. Les résistances des laboratoires restent fortes, ils mettent en avant l'impossibilité de remplacer totalement l'animal malgré les limites de ce modèle de l'être humain, même si l'industrie des cosmétiques, elle, a déjà été contrainte de le faire par la loi. Les chercheurs font également valoir leur souci du bien-être animal et les mesures qu'ils prennent dans ce sens. Mais depuis des décennies, l'opposition à l'expérimentation animale se traduit par des manifestations régulières. Bonsoir, rien de tel que l'image. En 2004, c'était à l'occasion de la Journée mondiale de libération des animaux de laboratoire. Une poignée de militants anti-vivisection a mené à Nice une opération de sensibilisation du public en utilisant le choc des photos. Là, on se sert des animaux juste pour faire des expériences. Non, mais ça passe pas de jouer. Regardez ces affiches, ça fait, vous n'avez pas de la peine, ça fait pas de la peine. Des images choquantes pour faire réagir. En France, un animal meurt toutes les 12 secondes des effets d'expérience en laboratoire. Cette semaine mondiale d'action contre la vivisection est une piqûre de rappel. C'est le public qui peut faire changer les mentalités. Les laboratoires, eux, sont très peu enclins à changer. C'est surtout une tradition française. Dans d'autres pays, on essaye de faire diminuer la vivisection. Vous êtes sensibilisé à ce genre de problème? Ah mais c'est horrible, moi je veux bien signer, hein. C'est horrible. Ah mais j'adore les animaux, voir ça c'est horrible. André Ménache, vétérinaire, conseiller scientifique de l'association Antidote. L'utilisation des animaux dans l'expérimentation animale, dans le monde, ça varie selon les estimations, entre 80 et 100 millions d'animaux. En ce qui concerne l'Europe, 12 millions d'animaux. En ce qui concerne la France, environ 2 millions d'animaux par an. Par an. Grosso modo, on peut partager l'expérimentation animale en deux catégories. Je dirais que globalement, 20% de l'expérimentation animale concerne les tests sur les animaux pour les autorisations de mise sur le marché dans l'industrie pharmaceutique, chimique, etc. Et 80% de l'utilisation des animaux concerne la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, c'est, si vous voulez, la curiosité scientifique. Alors, dans ce domaine, justement, quelle est la réglementation? En ce qui concerne la toxicologie et la réglementation, nous sommes, je dirais, bloqués aujourd'hui par une loi qui se base sur le code de Nuremberg de 1946, d'après la Deuxième Guerre mondiale, où on exige de tester tout médicament avant de passer aux essais cliniques chez l'homme sur un rongeur et un non-rongeur. Nous sommes bloqués donc aujourd'hui avec cette même exigence réglementaire alors que la science a évolué de 70 ans. Ben, à l'époque, on pourrait dire que ça semblait raisonnable et logique. Bien sûr, à cause des expériences sur les humains par les nazis et l'expérimentation sur l'humain, il était décidé d'encadrer tout cela. Et donc, il semblait raisonnable à l'époque de tester sur un rongeur et un non-rongeur. Le rongeur, c'est normalement le rat. Le non-rongeur, c'est souvent le chien ou le singe. On s'est dit, ben, on va prendre le rongeur qui est facile à manipuler. Mais par contre, il faudra peut-être tester sur un mammifère plus grand, plus proche de l'homme, si vous voulez. Alors, André Ménache, comment expliquez-vous que depuis 70 ans, cette réglementation n'a pas évolué? Je dirais que cette réglementation convient à l'industrie pharmaceutique, elle convient à l'industrie chimique, vu que je considère cela comme une situation aberrante où les autorités de réglementation font confiance aux industriels de choisir l'espèce d'animal ou la souche la plus propice pour montrer que leurs produits, leurs médicaments sont efficaces et adaptés pour l'espèce humaine. Les chercheurs qui travaillent sur les maladies de la vision font partie de ceux qui considèrent que le modèle animal reste incontournable. L'Institut de la vision a accepté de nous recevoir et Serge Picot, directeur de recherche, aborde cette délicate question. Oui, voilà, vous êtes donc dans notre nouveau centre de recherche dédié à la vision et aux stratégies thérapeutiques pour prévenir la perte de vision, mais aussi pour essayer de redonner la vue à des patients aveugles. Alors, quels sont les travaux, plus précisément, que vous réalisez dans ce laboratoire? Les travaux, c'est déjà d'essayer de comprendre comment nous voyons, comment nous percevons le monde, mais aussi, finalement, pour toutes ces pathologies où les patients perdent des cellules dans la rétine, c'est-à-dire dans l'œil, est-ce que l'on peut prévenir ces pathologies, comme par exemple la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou le glaucome? Et puis, malheureusement, un grand nombre de patients sont déjà aveugles. Est-ce que ces patients, on peut leur redonner certaines perceptions pour qu'ils puissent retrouver une autonomie dans notre société? Alors, dans ce laboratoire, vous utilisez le modèle animal, que l'on nomme ainsi parce que ce sont des animaux qui sont censés représenter l'homme et donc les caractéristiques proches. Quel rôle jouent les animaux dans vos travaux? Alors, nous avons des modèles animaux, bien sûr, des modèles animaux de pathologie, donc qui ont exactement, en fait, les mêmes symptômes que l'homme. Et donc, en particulier, lorsqu'on veut essayer de prévenir les maladies, on va utiliser ces modèles pour essayer de comprendre les mécanismes qui conduisent à la mort des cellules et puis éventuellement d'essayer de trouver des molécules qui préviendraient cette mort. Ce qui signifie qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser des animaux pour faire ce genre d'expérience. Le modèle animal est particulièrement adapté puisque, par exemple, tous les symptômes inflammatoires, on va les retrouver en fait chez les primates comme chez les patients, mais aussi on va avoir des cellules qui ont exactement les mêmes tailles que chez les patients. Et aussi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on développe la thérapie génique, par exemple, on va réintroduire un gène, l'expression d'un gène, dans une cellule. Et pour avoir une efficacité totale, il faut qu'on mette un promoteur cette cellule. Et en réalité, on se rend compte que, suivant les espèces, les promoteurs ne sont pas les mêmes. Or, entre des primates et l'homme, on retrouve exactement les mêmes promoteurs. D'où l'importance d'évaluer ces stratégies thérapeutiques chez les primates avant de pouvoir passer chez l'homme. Sébastien Bourré, chercheur au CNRS, fait également appel aux singes pour mener ses travaux. Mais nous n'avons pas pu le rencontrer dans son laboratoire, faute d'autorisation de la direction de son institut. Il a néanmoins décidé de répondre à nos questions. Je suis chercheur au CNRS. Mon travail, c'est d'étudier le comportement des animaux, des primates en particulier. Donc j'ai une formation en comportement animal, en psychologie expérimentale et en neurosciences. Et l'objectif de mon travail, c'est de comprendre le comportement des primates en général. Et pour ça, le pari que je fais avec notre équipe, c'est que quand on étudie le cerveau, eh bien, on comprend mieux le comportement que si on ne l'étudiait pas. Le comportement des animaux ou des hommes ? Moi, j'étudie le comportement, je suis biologiste, je suis pas psychologue. J'étudie les primates dans leur ensemble. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les spécificités de chacun des primates. Et donc, les hommes parmi eux, certaines espèces, il y a 600 espèces de primates. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en quoi ils sont similaires et en quoi elles diffèrent. Donc quand vous dites que vous êtes biologiste, ça veut dire que vous vous intéressez, par exemple, au fonctionnement du cerveau lui-même. Bien sûr. Le pari, encore une fois, le pari qu'on fait, c'est que pour comprendre le comportement, il y a les observations qu'on peut faire dans la nature, et c'est fondamental, c'est vraiment la référence pour nous. Et ensuite, ce que nous disent les primatologues qui travaillent dans la nature, c'est que c'est très compliqué, il y a beaucoup de variables. Donc c'est plus facile quand on est au laboratoire. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qu'on appelle la cognition, c'est comment les représentations mentales sont utiles pour guider le comportement. Eh bien ça, c'est pas facile toujours d'étudier ça dans la nature. Et le pari qu'on fait, nous, c'est que ces représentations mentales, elles sont liées à ce qu'on voit dans l'activité du cerveau. Et on utilise le cerveau comme une approximation de l'activité mentale. Et c'est ça qu'on essaye d'utiliser pour comprendre la façon dont les animaux évoluent dans la nature et gèrent ce compromis effort-récompense. Il s'agit de recherches purement fondamentales ou est-ce qu'elles peuvent avoir des applications ? Les objectifs de mon travail de recherche, ils sont clairement fondamentaux. Je vous ai dit, il est question de comprendre les processus normaux, les processus physiologiques de la motivation, et on essaye de comprendre les implications pour l'écologie et pour la décision en général, pour la psychologie aussi. Hein. La psychologie aussi, ça, c'est une science fondamentale. Maintenant, il se trouve que quand on comprend la relation entre le cerveau et la motivation, c'est utile pour les médecins qui travaille en psychiatrie ou en neurologie, parce qu'il faut savoir que la motivation, elle est abîmée chez les patients dépressifs, par exemple. La motivation, elle est abîmée chez les parkinsoniens. Il y a plein de troubles neurologiques ou psychiatriques pour lesquels la motivation est altérée. Et quand on comprend mieux le cerveau, eh bien, on peut mieux prendre en charge les patients. Et donc, mon travail sert aux médecins. C'est presque un miracle pour cette Américaine. Totalement paralysée depuis 2002, elle peut dorénavant effectuer des gestes simples. Manger du chocolat, avec un bras robotisé qu'elle commande grâce aux micro-électrodes implantées dans son cerveau. Pour en arriver là, c'est ce singe en arrière-plan qui a servi de cobaye. Chez lui, les chercheurs ont longuement étudié comment il réussissait à mobiliser ses prothèses de bras. Grâce à cet animal, donc, l'Américaine retrouve un peu d'espoir. Un petit carré de plus pour une femme, une bouchée géante pour la recherche. Cette médaille scientifique a son revers. Étudier le cerveau d'un singe, ça ressemble aussi à ça. Ces images dérangeantes ont été tournées l'an dernier par une organisation de défense des animaux en cachette dans un laboratoire allemand. Des expériences similaires ont lieu partout en Europe, y compris en France, où chaque année 2,5 millions d'animaux sont utilisés, surtout des souris, pour tester de nouvelles molécules. Les scientifiques créent aussi des animaux génétiquement modifiés, par exemple des chiens myopathes. Au cœur du débat sur l'expérimentation animale, on trouve la souffrance infligée. Audrey Jougla, philosophe, a enquêté dans plusieurs laboratoires qui utilisent des animaux pour leurs expériences. Donc j'ai été dans 4 laboratoires qui menaient des expériences pour de la recherche fondamentale. Donc il y avait des expériences sur la vue, sur le cerveau, sur des maladies aussi. Finalement, le propre de la recherche fondamentale, c'est de chercher pour mieux comprendre soit le développement d'une maladie, soit comment fonctionne finalement le cerveau, par exemple. Et on ne se rend pas compte de la violence qui est infligée à ces animaux-là, que ce soit déjà les conditions de vie dans lesquelles ils sont, c'est-à-dire que les primates, par exemple, vivent sans lumière du jour, dans des cages d'un mètre cube pendant des années, ils sortent que pour les expériences, que ce soit les maladies qui sont nécessaires aux expériences et qu'on leur inflige finalement. Et ensuite, il y a aussi la question du rapport entre le personnel et les animaux. Donc il y a plusieurs sources finalement de souffrance et de douleur pour tous ces animaux qui ne sortent pas des laboratoires. personne ne nie la souffrance des animaux. Finalement, entre les gens que j'ai pu rencontrer qui travaillaient dans les laboratoires et les militants, quand on parle d'expériences qui ont des degrés de sévérité qui vont être modérés ou sévères, hein, c'est des expériences qui sont extrêmement douloureuses. Et ça, c'est reconnu par les chercheurs, par le personnel des laboratoires. Donc, c'est pas du tout quelque chose de subjectif et c'est encore moins une représentation militante. Au contraire, c'est quelque chose qui est tout à fait su et connu. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des protocoles qui, en fait, nécessitent, pour faire les expériences, de commencer par de la souffrance. C'est-à-dire que c'est des maladies qui vont être invalidantes ou des opérations sur l'animal qui nécessitent forcément, je prends souvent l'exemple de la recherche sur les brûlures, par exemple, on conçoit bien qu'il y a de la souffrance. La question de la souffrance, finalement, est une question centrale dans l'histoire des rapports entre l'homme et les animaux, avec la précision que, bien souvent, elle a été masquée. Hein, on a refusé d'en parler, on l'a minimisée, etc., cette souffrance. Il n'empêche que même chez les gens qui la minimisent, elle est là au cœur. Descartes, le système de l'animal-machine, vous trouvez dans des lettres de Descartes, où il dit que, finalement, le grand intérêt de son système, c'est pas vraiment qu'il soit vrai ou faux, mais le grand intérêt, il est social, c'est qu'on n'a plus à s'inquiéter de la souffrance des bêtes. Éric Baratet, historien, spécialiste des animaux. Ce qui veut bien dire que la question est là. Mais là, on a résolu, hop, ce sont des machines, un animal qui crie, c'est pas parce qu'il a mal, c'est parce qu'il y a des rouages mal huilés, la machine grince, tout simplement. Et donc, finalement, on peut faire ce qu'on veut des animaux. Et la question de la souffrance est vraiment devenue une question politique, sociale, à partir du XVIIIe siècle. Alors évidemment, chez certaines personnes très très minoritaires, hein, on la voit apparaître notamment chez les Quakers anglais de la fin du XVIIIe siècle, c'est des gens très mal vus par le gros de la population de l'époque. Et pourtant, ces gens-là remettent en cause la différence homme-animal, la supériorité de l'homme par rapport aux femmes, ils remettent en cause l'esclavage, etc. Ils remettent en cause toute une vision du monde. Et à partir de là, ça va petit à petit se diffuser. Alors la grande nouveauté depuis une vingtaine d'années, à propos de la souffrance, et ce n'est pas un hasard si on voit des résultats maintenant juridiques, c'est qu'on sait la mesurer par la production de toxines, ils le mesurent par la production d'adrénaline, de cortisol, etc. etc. Et donc on ne peut plus être dans la négation de l'idée de souffrance. Et maintenant, la souffrance ou la douleur, alors après, qu'est-ce qu'on met derrière les deux concepts? Là, il y a un débat. Mais la douleur, par exemple, elle a été reconnue maintenant pour les poissons, pour certains mollusques, pour les pieuvres, etc. Plus on descend, entre guillemets, il faudrait sortir de cette vision pyramidale, mais plus on descend, et plus on s'aperçoit que la douleur, elle est bel et bien présente. Et évidemment, ça change tout. Parce que là, je vois par exemple sur la corrida, justement, ce sont des aficionados qui, dans les années 90, ont commandé des études auprès de physiologistes. Dans leur tête, l'idée, c'est que les physiologistes allaient confirmer leur idée qu'un taureau souffrait peu. Manque de chance, le résultat était le contraire. Et même très contraire, puisque le résultat des études marqué noir sur blanc, c'est que le taureau n'est pas fait pour supporter une corrida. Au sujet des corridas, des mises à mort de taureaux dans l'arène, pour les uns, c'est un art suprême élevé au niveau de la philosophie, pour les autres, c'est un acte de barbarie, et pour les amateurs qui se sont disputés les places dans les arènes d'Arles pendant ces trois jours, eh bien, c'est avant tout un spectacle. Philippe Brochet. Après une corrida à Sétherne hier après-midi, la noviade de cette dernière journée de feria a de nouveau apporté de grands moments grâce à la finesse de Cordoba, le pouvoir de Ressouline et la torerie extrême de Chamal. Il a la témérité d'un cordobès, avec peut-être l'inconscience en plus. Chamaco se fera bousculer souvent, et ce paradoxe désoriente un public. Ça nous arrive aussi, si on a besoin de faire l'anatomie un peu précise, même dans nos études qui sont fondamentales, on est obligé de sacrifier les animaux. Et ce qui est important de se poser comme question, je crois, c'est quels sont les bénéfices pour la science et ou pour la médecine, mais encore une fois, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas juger des bénéfices pour la médecine. Sébastien Bourré. Ce qui concerne les bénéfices pour la science, eh bien, on les met en regard de ce qu'on fait aux animaux et on essaye d'équilibrer. Et donc, ce que j'ai envie de dire dans ce cas-là, c'est que la façon dont on procède, que ce soit pour la recherche médicale ou la recherche fondamentale, eh bien, on a des comités d'éthique. Et dans ces cas-là, il y a des gens, des scientifiques, des gens de la société civile qui se mettent autour d'une table et qui vont évaluer le projet. Et ce qu'ils vont faire dans ce cas-là, c'est qu'ils vont évaluer les coûts pour les animaux et les bénéfices pour la société. Et on va pouvoir évaluer à quel point c'est justifié de faire ce projet-là. La meilleure chose que pourraient faire les gens qui sont soucieux de ces questions-là, c'est de participer au débat de façon objective et constructive. La première étape est de véritablement s'interroger sur la nécessité de recourir à l'animal. Et donc la première des questions qui est posée à chaque chercheur qui souhaite utiliser à un moment donné dans ses études, souhaite utiliser le modèle animal, eh bien il doit pouvoir justifier de cette nécessité. Brigitte Rau, vétérinaire, responsable du bureau de l'expérimentation animale de l'INSERM. Lorsqu'effectivement il argumente dans ce sens, il doit également argumenter et préciser selon quelle modalité il va recourir à l'animal et comment il va mettre en œuvre des mesures qui vont faire en sorte que cet animal soit le mieux traité possible, donc assurer sa bientraitance et limiter les contraintes qu'il va peut-être imposer à l'animal au cours de ses études. Alors il faut bien savoir qu'il y a une réglementation qui est relativement stricte, une réglementation européenne qui est en place, donc suit la France. Cette réglementation a été mise en place dans les années, à la fin des années 80, et a été révisée récemment, hein, puisque les textes ont été révisés en 2010, pour renforcer justement la protection de ces animaux qui sont encore utilisés. Ensuite, donc l'autorisation de ce projet est donnée par le ministère de la Recherche après une évaluation éthique du projet, à faire une analyse coût-bénéfice. Alors coût, c'est pas un coût financier, mais c'est quelles sont les contraintes qui vont être imposées à l'animal. Parce qu'il faut savoir que le simple fait d'héberger un animal est une contrainte, hein, puisqu'il n'est plus dans son milieu naturel. Le comité d'éthique évalue le rapport coût-bénéfice. Il doit argumenter en disant « voilà, je vais mettre en œuvre telle et telle mesure ». Ça peut être de mettre en place un antalgique, par exemple. Ça peut être de mettre en place un enrichissement adapté, puisque l'objectif est que les animaux puissent exprimer leur comportement naturel le mieux possible. Leur comportement naturel et que on puisse répondre à leurs besoins physiologiques dans les établissements qui les hébergent. Qui compose ces comités d'éthique ? Il y a des scientifiques, des techniciens qui travaillent justement au contact des animaux et qui connaissent les besoins des animaux. Il y a des vétérinaires et il y a ce qu'on appelle les personnes candides. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont représenter la société civile et donc qui n'ont pas de lien direct avec ce qu'on appelle l'expérimentation animale. On peut avoir jusqu'à une trentaine ou une quarantaine de personnes qui participent à ces comités d'éthique. Et ce sont des personnes qui sont bénévoles, donc qui vont étudier tous ces dossiers, échanger avec le chercheur. Et dans ces échanges, on voit aussi très souvent évoluer le projet. Un commando est entré par surprise dans l'hôpital Salvateur à Marseille et a libéré les animaux de laboratoire. Ce n'est pas la première fois qu'un pareil acte se poursuit. Et ça repose une nouvelle fois la question, est-ce que les expériences sur des animaux vivants sont acceptables? Est-ce qu'elles sont justifiables au regard de la morale, au regard de la recherche scientifique? Le témoignage de l'un des membres présumés de ce commando. Nous avons 11 beagles, 4 chiens appareillés, avec des fractures aux pattes postérieures, avec un appareil, nous ne savons pas encore ce que c'est, qui hurlait quand on les prenait aux bras, donc c'est qu'ils souffraient. Dans une crasse, il faut voir la saleté, les chiens étaient dans leurs excréments, à même le sol, à même le ciment, alors que c'est interdit. Et quant à la peine, n'en parlons pas, c'était pareil. Hein. Alors les responsables de l'hôpital disent que les animaux, il n'y a pas de vivisection, mais que les animaux sont endormis. Ce n'est pas vrai, parce que les voisins entendent des hurlements et ce ne sont pas des aboiements. D'ailleurs, nous avons une pétition par le voisinage. Bon, professeur, vous venez d'entendre ces accusations. Quelle est votre réaction ? Je voudrais dire que nous observons les mêmes règles d'éthique pour les animaux que pour l'homme. Nous opérons dans les mêmes conditions, sous anesthésie générale. Nous essayons de ne pas faire souffrir les animaux dès qu'un animal ne répond plus aux règles que nous nous sommes fixées. Nous l'euthanasions. Il existe des règles très précises, très contraignantes, très rigoureuses de l'expérimentation animale auxquelles nous sommes soumis. Alors, si nous ne nous y soumettons pas, nous sommes condamnables immédiatement. Si nous y soumettons, de quel droit ces personnes s'arrogent-elles en justicier pour se faire les autres d'une loi qu'ils ont créée? Alors, les chercheurs, finalement, essaient souvent de minimiser la souffrance réelle des animaux. Audrey Jougla. Pour autant, c'est pas du tout des sadiques, comme certains militants le pensent. Loin de là, il y en a beaucoup qui ont même des animaux de compagnie. Simplement, ils vont considérer l'animal de laboratoire comme un moyen au service d'une fin qui est pour eux leurs expériences et leurs protocoles de recherche. Et il y a aussi une notion de découpage finalement des responsabilités, c'est-à-dire que le chercheur se dit qu'il euthanasie pas forcément l'animal, l'animalier se dit qu'il veille à l'entretien des cages et au bien-être, hein, même si on peut pas vraiment parler de ça, mais des animaux, le vétérinaire est là pour se dire qu'il contrôle aussi, et chacun finalement à son niveau de responsabilité n'est qu'un maillon de tout ça, et il y a un phénomène un peu de déresponsabilisation par rapport à la culpabilité que ça peut entraîner. Dans votre association, vous avez reçu récemment le témoignage d'une personne qui travaille justement dans un de ces laboratoires. Que dit-elle ? Alors, c'est la première fois qu'en France, justement, il y avait un lanceur d'alerte issu des laboratoires. Et ça, je pense que c'est un grand changement, notamment pour le monde de la recherche en France, puisque c'est un milieu qui est très fermé et où les gens ont extrêmement peur de témoigner. C'est quelqu'un qui est en poste, qui est toujours en poste, et qui avait besoin de témoigner des pratiques qu'il a jugées complètement iniques et cruelles dans son laboratoire, notamment un manque d'antidouleurs, enfin les antidouleurs n'étaient pas utilisées, donc les anesthésies, pardon, n'étaient pas faites ou mal faites, les animaux étaient aveugles, enfin bon, c'était une catastrophe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est quelqu'un qui est confronté aux expériences, qui pratique des expériences sur les animaux, qui se révolte en fait par rapport à ce que font ses collègues et au manque de contrôle. Et ça, c'est aussi très intéressant par rapport au rôle des comités d'éthique, puisqu'il a dénoncé le fait que les comités d'éthique n'avaient aucun pouvoir dans la prise en compte de la souffrance animale, en fait. Comment supporte-t-elle ça, elle-même, puisqu'elle continue à travailler dans un laboratoire ? Justement, elle essaie toujours de faire au mieux. Ça lui a fait beaucoup de bien de témoigner. Ça, c'est évident. Et surtout, je pense que ça a ouvert une porte à toutes les personnes qui voudraient témoigner des pratiques qui ont lieu dans leur laboratoire et où il est toujours très difficile de pénétrer. Le but, évidemment, c'est de libérer la parole de tous ces gens-là, puisqu'elle a témoigné aussi d'une souffrance de la part de l'humain, en fait, du personnel, et des pressions hiérarchiques pour ne pas prendre en compte la souffrance animale, justement, à travers les comités d'éthique. Donc, le but, c'est justement de généraliser ce type de... Enfin, de réussir à vaincre la peur initiale de ce milieu-là pour que les gens puissent témoigner et être lanceurs d'alerte. Alors, vous connaissez le débat, évidemment, sur le bien-être animal. Bien sûr. Comment vivez-vous cette question dans votre travail quotidien ? J'ai envie de dire que globalement, je la vis bien. Je la vis bien parce que c'est important de se poser la question. Sébastien Bourré, chercheur au CNRS. Nous, la douleur, dans la mesure du possible, on l'évite. Hein. Quand on fait des chirurgies, eh bien, les animaux ils sont traités comme les patients qui vont au bloc. On a des antidouleurs, des antiseptiques, des anesthésiques. Et la douleur, on l'évalue au moment de la chirurgie. On commence pas tant qu'on pense que les animaux peuvent la ressentir. Et puis moi, je travaille sur la motivation et j'ai envie de dire que le bien-être animal, c'est un enjeu essentiel de mon travail de tous les jours. C'est ce qu'on étudie, le bien-être animal. Si les animaux sont pas bien, on peut rien faire. Notre sujet d'étude devient caduc, comme la plupart des gens qui travaillent en laboratoire. Être motivé et mal. Et en même temps. Ou alors ça devient pathologique, mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Et par ailleurs, il se trouve que je suis membre d'une société qui s'appelle la Société francophone de primatologie. Et j'ai rejoint cette société parce que c'est là qu'on échange sur le comportement des primates avec des spécialistes qui viennent de l'expérimentation animale, mais aussi de l'écologie comportementale. Il y a des gens qui travaillent en parc animalier, il y a des gens qui travaillent sur la préservation. Et donc, ce qui est extrêmement enrichissant quand on travaille avec ces gens-là et quand on discute avec eux, c'est qu'on a des échanges tous les jours sur comment faire pour améliorer le bien-être des singes avec des gens qui s'y connaissent. On va avoir des discussions sur la base de « Écoute, nous, on fait comme ça au labo. Ah bon, mais vous avez pensé à faire comme si, ça serait peut-être mieux pour les animaux. Oui, oui, bah, on va essayer. » Et des fois, c'est « Non, écoute, si on fait ça, on ne peut plus travailler. » Alors, on ne pourra pas répondre à notre question scientifique. Dans ces cas-là, on ne justifie même plus de les garder au labo. Donc, faisons plutôt autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on a lancé un projet là, à ce propos, qui est vraiment centré sur le bien-être. Donc c'est plus vraiment un projet scientifique, c'est un projet de recherche appliquée sur le bien-être. C'est en collaboration avec des gens qui travaillent sur le bien-être des animaux dans les zoos. Et ce qu'on fait, c'est qu'on compare, on utilise les méthodes de l'éthologie au laboratoire pour mesurer de façon objective le bien-être, le quantifier. Et nous, ce qu'on va faire par ailleurs, c'est qu'on va faire des mesures physiologiques avec notamment les hormones du stress, l'adrénaline par exemple, les corticoïdes. Et on va être capable d'avoir une évaluation objective du bien-être animal. Pour nous, la souffrance animale est une évidence. André Ménache, vétérinaire, conseiller scientifique de l'association Antidote. Nous voulons passer à la première étape et mettre en question, mettre en cause quelque chose qui n'a jamais été fait et se poser la question, est-ce que le modèle animal, est-ce que tester sur un rat pour voir l'effet sur une autre espèce, par exemple l'homme, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est fiable au vu des connaissances en 2018 ? Alors, quelle est la réponse ? Eh bien, la réponse pour moi, au vu des connaissances actuelles, je qualifie la recherche animale, l'expérimentation animale, comme fraude scientifique, et je pèse mes mots. Nous avons aujourd'hui plusieurs preuves. Nous avons d'abord des preuves empiriques issues de l'industrie pharmaceutique elle-même. Quand on fait la comparaison entre les effets toxiques que l'on constate chez les animaux avant de passer chez l'homme, donc les effets toxiques des molécules, des médicaments, et les effets secondaires que l'on constate chez l'homme au cours des essais cliniques, eh bien, si vous voulez, la corrélation entre les deux est environ de 30%. 30% est pire que de jouer à pile ou face. Alors, je ne vais pas vous dire que les méthodes pour remplacer l'animal sont performantes à 100%, ce n'est pas le cas. Si nous utilisons à la place des animaux du matériel humain, donc des cellules souches humaines, nous pouvons, par exemple, obtenir un taux de prédiction de 60%, 70%. Vous allez me dire que ce n'est pas 100%, mais c'est nettement mieux que 30%. Si vous regardez le constat du Food and Drug Administration, donc c'est la haute autorité de santé aux États-Unis, selon cet organisme, sur 10 molécules testées sur les animaux qui ont franchi cette étape de non-toxicité, eh bien 9 sur 10 vont échouer au cours des essais cliniques chez l'homme, soit pour des raisons de toxicité, soit pour des raisons de manque d'efficacité. Le succès de 1 sur 10 représente un taux de prédiction de 10%. Je dirais même pas, cela représente un taux de corrélation rétrospective de 10%. C'est encore moins valable que 10% de prédiction. Comment l'industrie, en particulier l'industrie pharmaceutique, André Ménache, peut-elle poursuivre les essais animaux alors que cette efficacité dont vous venez de parler est très faible ? Elle reconnaît, bien sûr, que le modèle animal n'est pas fiable, mais ça leur convient parce que ça leur permet, si vous voulez, de manipuler leurs données, leurs résultats, afin de passer plus vite aux essais cliniques chez l'homme. Sachez que chaque jour que l'industrie attend pour mettre un nouveau produit sur le marché, elle perd 1 million d'euros par jour. C'est un détail peut-être, mais qui revêt une valeur symbolique. Sur un même étage de cette unité 317 de l'INSERM, on trouve à une extrémité du couloir des rongeurs dans leur cage, à l'autre extrémité des cultures cellulaires conservées dans d'innombrables petites fioles. C'est une question qui devient obsédante. Ne peut-on remplacer les tests sur des animaux vivants par des expériences sur des cultures cellulaires ? C'est la bataille de l'in vitro contre l'in vivo. C'est une des premières revendications des antivivisectionnistes. C'est surtout un faux problème pour les chercheurs. La cellule isolée, la cellule en culture, est un système extrêmement réductionniste et souvent assez transformé par rapport à une cellule normale. Bon, l'animal vivant, si vous voulez, nous permet d'avoir une approche globale d'une pathologie. Une pathologie, si vous voulez, implique de nombreux types cellulaires, implique de nombreux organes. Bon, l'hypertension, on ne mime pas l'hypertension sur des cellules en culture. Tout le monde peut le comprendre aisément. Donc pour vous, les cellules en culture ne sont pas une méthode alternative à l'expérimentation sur des animaux vivants? Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec le terme alternatif, si vous voulez. Ce sont des méthodes extrêmement intéressantes, additives, qui nous aident dans le tri, dans la recherche des mécanismes d'action, dans les approches génétiques, si vous voulez, mais ce ne sont pas des techniques alternatives, ce sont des techniques complémentaires. Le remplacement de l'animal n'est pas toujours facile, en particulier lorsque le sujet même de la recherche est l'animal. Et moi j'ai envie de dire, personnellement, moi je suis biologiste, j'étudie les animaux, et donc je peux pas remplacer. Sébastien Bourré. Les médecins qui font des études chez l'animal, il faudra leur demander à quel point ils peuvent remplacer. J'ai entendu un reportage à la radio qui disait, ouais c'est super, maintenant on va pouvoir utiliser des modèles informatiques. Alors nous aussi on utilise des modèles informatiques, mais ce sont des outils qui nous permettent de comprendre des phénomènes complexes. Il y a un moment où il faut les valider, et pour les valider il faut aller sur le terrain, j'ai envie de dire, et donc travailler sur le vivant pour de vrai. Et alors, les modèles mathématiques, ce sont des simplifications et des fois ça se trompe face au milieu naturel. Et alors, moi si j'étais médecin, j'aurais pas envie de laisser la vie de mes patients dans les mains d'un modèle mathématique qui est une simplification qui peut faire des erreurs. En même temps, le modèle animal se révèle faillible également. Tout à fait. Je ne veux certainement pas dire que le modèle animal, il est suffisant. Je ne dis pas que étudier les animaux, c'est comme étudier l'homme. Ça permet de répondre à des questions parfois, ça permet de dégager quelles variables sont importantes pour aller permettre, au moment où on fait de la recherche clinique, d'aller cibler les variables importantes. Vous voyez par exemple la culture de rétine humaine post-mortem, pour nous, nous l'avons développée parce que nous pensions que c'était extrêmement intéressant. Et ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on essaye d'utiliser la rétine humaine post-mortem pour de l'expérimentation et de ce fait de réduire en fait l'utilisation des modèles animaux. Serge Picot. Remplacer, je pense que ça sera difficile, mais certains peuvent remplacer une partie de l'expérimentation animale. Vous-même, personnellement, le fait de travailler avec des animaux ne vous pose aucun problème, ou bien parfois vous posez-vous également des questions? On se pose toujours des questions pour savoir si l'expérimentation est justifiée. Il y a vraiment toujours une discussion et on a des réunions hebdomadaires avec nos collaborateurs où on discute justement, est-ce qu'il faut lancer cette expérimentation, est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'il faut faire d'abord d'autres études in vitro avant de lancer une expérimentation in vivo. Donc c'est toujours en fait une question qui est posée. On n'est pas là juste par plaisir de sacrifier des animaux. Le protocole qui fait appel aux animaux est quand même bien installé dans, par exemple, la formation, j'imagine, et dans les pratiques actuelles. Est-ce que, justement, il n'y a pas une force aussi de l'habitude et du confort de certains protocoles bien établis qu'il est difficile de remettre en cause? Franchement, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, parce que pour moi, lorsqu'on utilise un animal, c'est vraiment qu'il y a une vraie nécessité. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est juste par habitude qu'on utilise des animaux. Alors, on utilise toujours beaucoup d'animaux et ça a d'ailleurs même augmenté récemment. Audrey Jougla. Pour des mauvaises raisons qui sont bien souvent liées à une habitude de travail, à un manque d'information et un manque de formation aux méthodes alternatives, c'est-à-dire des méthodes de recherche sans les animaux. Rouge à lèvres, dentifrice, crème dernière technologie. Voilà l'univers glamour de la cosmétique. Mais de l'autre côté du miroir se cache une réalité plus dérangeante, les tests sur animaux. Ces images ont été filmées par des militants opposés à ces pratiques. Quelques gouttes de substance sur la cornée pour vérifier qu'elles ne provoquent pas des conjonctivites, des œdèmes ou qu'elles rendent aveugles. Dès 2004, Bruxelles interdit de tester les cosmétiques sur les animaux. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le cas des cosmétiques, la législation européenne a interdit que les tests sur les produits finis et les ingrédients cosmétiques se fassent sur les animaux. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, quand il y a eu l'interdiction législative, que bah forcément, ils ont été obligés d'utiliser les méthodes qui existaient déjà. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à une généralisation de tout un tas de méthodes en toxicologie sans animaux, qui étaient disponibles avant, mais qui étaient n'était pas utilisée parce qu'il n'y avait pas d'obligation législative. Donc on voit que finalement, parfois, il faut simplement imposer les choses pour que ça se fasse. Et aujourd'hui, on le sait, on l'a vu, puisqu'on a eu accès à plusieurs protocoles où on a des méthodes alternatives qui existent et pour autant, on continue sur les animaux. Donc pour quelle raison ? Par l'habitude, par le fait que les chercheurs ont été formés sur ce type de protocole ? Il y a une aversion au changement qui est réelle, c'est-à-dire que les chercheurs vont préférer continuer sur un modèle animal parce qu'ils ont été formés à ce modèle-là, parce qu'ils le connaissent bien. Il y a aussi un problème de subvention, c'est-à-dire qu'il y a des subventions qui sont attribuées à des protocoles sur les animaux et pas sur les méthodes alternatives. Et puis aussi, malheureusement, il y a une injonction à publier, hein, c'est ce qu'on, le slogan anglais « publish or perish », qui finalement fait que les chercheurs ont besoin de publier et vont parfois trouver des protocoles à faire sur les animaux ou sur une autre espèce animale, par exemple, qui n'a pas encore été expérimentée dans leur domaine. Et c'est dans un, finalement dans une visée plutôt carriériste, hein, ça c'est un secret pour personne, plutôt que pour le progrès en lui-même ou le bien-être de l'humanité. Alors la grande alternative, c'est de se passer de l'expérimentation animale. Est-ce que c'est une perspective qui vous paraît réaliste et à quelle échéance ? Alors c'est une perspective qui est plus que réaliste hein, que de se passer de l'expérimentation animale, puisque la directive européenne est elle-même abolitionniste. Après, c'est vrai que c'est une question d'échéance et nous, ce qu'on veut, c'est être les accélérateurs de ça et faire en sorte que les animaux qui actuellement sont dans les laboratoires soient le mieux traités possible, le moins longtemps possible aussi dans ces conditions-là. Éviter évidemment certaines expériences qui ne devraient pas avoir lieu parce que ça s'apparente vraiment à de la torture. Et je pèse mes mots là-dessus. Et c'est vrai que ça ne remettrait pas en cause le progrès. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'effrayer les gens en faisant croire qu'on va arrêter le progrès de la recherche si on se passe des animaux. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a beaucoup d'expériences qui pourraient ne pas avoir lieu sans remettre du tout en cause le progrès de la recherche. Et après, moi, j'ai aucun problème à parler de mon travail. Je le fais avec vous comme je le fais avec, avec mes copains qui sont, ou mes amis qui sont pas du tout scientifiques. J'ai pas de malaise par rapport à ce que je fais et je suis prêt à en débattre. Ça vous conduirait à avoir une attitude peut-être plus, justement, sereine Ah oui, bien sûr. Je serais plus serein vis-à-vis de la société en général, mais... C'est pas moi qui décide du degré de transparence. J'ai pas la légitimité, j'ai pas les compétences non plus pour le faire. La communication, c'est un métier en soi. Moi, je sais pas faire. C'est vraiment important qu'on ait un débat intelligent au sein de la société. On se sentirait tous beaucoup mieux. Et je pense que pour le grand public aussi, ça serait important de se sentir à l'aise par rapport à ce qu'on fait. Vous disiez tout à l'heure, c'est de l'argent public. Il n'est pas question de donner clé en main aux gens qui font ça. Il faut poser la question. Il faut pouvoir adhérer à ce qu'on fait. Par défaut, je veux dire, ce qu'imaginent les gens, c'est toujours pire que ce qu'on peut faire. Seen a better way. When first I heard him speak. Ce qui nous rassemble, c'est l'envie d'une civilisation harmonieuse, débarrassée de cette vieille idée auto-centrée que les animaux non humains sont à notre disposition. Nous sommes assez intelligents pour développer des alternatives à cette exploitation animale incessante dans tous les domaines de notre société industrielle. Tolstoï disait « Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des champs de bataille ». Nous pourrions dire la même chose pour les laboratoires. Nous sommes pour une science sans souffrance. Nous sommes pour le progrès. Soyons auprès des scientifiques, auprès des chercheurs, pour les encourager à changer le système de l'intérieur et diriger notre énergie vers la construction d'un monde serein et harmonieux qui respecte les animaux. Merci à tous, nous sommes leur voix. Sounded like the truth. Seemed a better way. Sounded like the truth. But it's not the truth today. I better hold my tongue. C'était Faut-il interdire l'expérimentation animale ? Michel Alberganti, Manouchak Fachaï, avec Éric Baratet, Marie-Claude Baumsel, Aude Jougla, André Ménache, Serge Picot, Brigitte Roux. Recherche INA, Aude Vincent. Recherche discographique, Romain Couturier. Prise de son, Marcos Darras. Mixage, Manuel Couturier. LSD, la série documentaire pour aujourd'hui, c'est terminé. Et si vous voulez aller au zoo, bibliographie, lien, nous podcaster pour le labo ou nous réécouter dans les bois, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et maintenant même sur Instagram, LSD La Série Documentaire, pour voir des photos secrètes de la maison de la radio. Demain, troisième étape, le bien-être animal est-il compatible avec l'élevage? Et pendant deux semaines, pour prolonger cette semaine, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur, notre partenaire, Spirale, le film de Marie Daniel, qui vous fera découvrir la vie des escargots. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Mais dans un instant, on retrouve le journal de 18h.